Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Alléluia. Les modèles peuvent changer, les maisons changeront, mais Jésus ne change pas. Ce monde peut changer, les modèles peuvent changer, les maisons changeront, mais Jésus ne change pas. Alléluia. changes never change. Changes never change. Everybody can change, but changes never change. Changes never change. Changes never change. Everybody can change, but changes never change. Hallelujah. Change pas, le genre de ce monde peut changer, mais je ne change pas.